Novembre. Restez à l'écoute. Voici Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. Cette semaine, terre de promesses, terre d'exil. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Suisse, Russie et retour. L'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Elle nous a tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Christophe Villemier, vous avez écrit un article pour un petit fascicule que vous avez sous les yeux, c'est gentil, vous me le tournez. Slatkine, 1918-2018, 100 ans de livres à Genève. On a tout compris, c'est parfaitement résumé. Oui, les éditions Slatkine, ça fait 100 ans que ça existe. 100 ans de livres à Genève, à l'intérieur duquel vous avez écrit un article dont nous parlons, dont nous avons parlé hier, et dont nous allons également parler aujourd'hui, les exilés du Don. Alors, il faut peut-être faire un petit résumé rapide sur l'origine de cet intitulé-là. Pourquoi les exilés du Don ? Les aïeuls de la famille Slatkin, qui étaient originaires de Rostov-sur-le-Don, quittent la ville de Rostov en 1905 suite à des génocides, suite à un pogrom contre les juifs, et viennent trouver asile en Suisse, à Zurich d'abord, et puis ensuite à Genève. Est-ce que le choix du pays, pour ce que vous en savez, se fait à la courte paille, se fait au petit hasard, ou bien il est très déterminé dans l'esprit de ceux qui vont le faire ? Mendel Slatkin, l'aïeul, si vous voulez, a déjà une idée bien arrêtée, à mon avis, puisque, évidemment, de par sa profession, il est au fait de ce qui se passe dans le monde, il est au fait des tendances, des idées, des politiques qui sont menées dans les différents pays. Il sait qu'en Suisse, une certaine tolérance règne, tolérance à l'égard des Juifs, hein, une communauté juive en 1900 qui est non des moindres. Plusieurs synagogues ont été construites dans la deuxième partie du 19e siècle. Il sait pouvoir y trouver la tranquillité. Qui plus est, la Suisse offre cet autre avantage que d'autres viendront aussi jouir. C'est des facilités administratives. Quand vous venez en Suisse en 1900, puis que vous cherchez l'asile, c'est un peu plus facile que de nos jours. On vous donne aisément l'autorisation. Même si vous êtes un dissident politique, il n'y a pas tellement de problèmes. En plus, c'est les cantons qui gèrent ce genre de choses. Vous pouvez passer d'un canton à un autre. Ça explique en partie la présence des anarchistes et puis d'un certain nombre de révolutionnaires sur le territoire helvétique entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et pourtant, on sait que l'Okhrana, la police du Tsar, police secrète du Tsar, avait de nombreuses antennes en dehors du territoire de la Russie, notamment en Suisse, également à Paris. On dit même, j'ai cru entendre que c'était quasiment à Paris que la grande école de formation des polices secrètes s'était constituée. Mais ça sera le sujet d'une autre émission plus tard. Les exilés politiques, les anarchistes qui ont fui la police secrète, ils la retrouvent d'une certaine manière, en nombre moins conséquent évidemment, dans un pays comme la Suisse. C'est juste, Jean-François Fayel, le professeur d'histoire à Fribourg, écrivait que l'on avait pu recenser 5 agents de l'Okhrana en Suisse à cette époque-là. 5 agents auxquels il faudrait ajouter des services instrumentalisés par l'Okhrana. Il existait alors des services secrets, des bureaux d'investigation privés qui étaient à acheter, à vendre et l'Okhrana s'en est servi, notamment à Bruxelles, des agences privées qui envoyaient des enquêteurs sur le terrain, notamment pour surveiller des anarchistes. Il y a quelques histoires comme ça, c'est drôle. Les Slatkin ne sont, eux, pas du tout concernés par cette question-là. Alors Mendel Slatkin se tient très éloigné des questions politiques, très éloigné des mouvements anarchistes, de Lénine, de tous ces gens, oui, effectivement. Lénine, on y reviendra, parce qu'il s'en tient éloigné, mais il va s'en retrouver rapproché à plusieurs instants. Quand part-il ? En 1905. Voyage par le train, par le bateau ? Vraisemblablement par bateau, pour des questions pratiques, pour des questions de rapidité aussi. Il traîne avec lui, évidemment, quelques livres qui constituent un poids certain. Et le bateau est très certainement le biais qu'ils utilisent via Marseille. On vous a quitté hier, Christophe Villemier, vous parliez d'une importante bibliothèque. Donc s'il part avec quelques livres à bord du bateau, avec la famille, forcément la plus grande partie est restée là-bas. Non, c'était ironique, il part avec des caisses de livres entiers, ouais. Qui va faire transiter par Marseille sans doute, d'abord à Zurich, où ils vont trouver un premier logement. Ils vont pas rester à Zurich bien longtemps parce que la femme de Mendel Slatkin ne s'y plaît pas. Et ils vont décider de venir à Genève... Lui cosmopolite aussi à ce moment-là. Et bien plus ensoleillé. Et bien plus ensoleillé, bien sûr. Et plus proche de la mer, par ailleurs. Également. Ils vont s'installer au boulevard du Pont d'Arve, dans un petit appartement. Qu'est-ce qu'il fait de ses livres à ce moment-là ? On n'en sait pas grand-chose. Sans doute qu'il les stocke quelque part. Il lui faudra quelque temps pour trouver un autre appartement, au boulevard des Philosophes, cette fois, où il y aura plus de place. Avec une transition par l'avenue du Mail, j'ai cru voir. Exactement, avec une transition à l'avenue du Mail, où il y aura là beaucoup plus de facilité pour ranger ses ouvrages. Où en sont-ils financièrement ? Financièrement, pour l'instant, tout va bien, puisque si Mendel Slatkin est parti avec armes et bagages de Rostov-sur-le-Don, il y a tout de même gardé un bureau. Il a mis sa famille à l'abri, si on veut bien, loin des pogroms contre les Juifs, de l'antisémitisme, mais il y conserve ses affaires. Donc Mendel retourne plusieurs fois par an à Rostov pour suivre son business, si vous voulez bien, qui suit en partie depuis ici aussi, mais il est obligé également d'être sur le terrain. Ça va être comme ça pendant des années. Il va faire le voyage entre les deux villes, entre Genève et Rostov, pendant des années, ce qui va lui permettre à nouveau d'amasser une petite fortune, si on veut bien, enfin du moins des moyens pour entretenir ses passions. Ça va évidemment s'arrêter avec la Première Guerre mondiale. Ici, à Genève, pour la famille Slatkin, vivent-ils de manière isolée ? Vont-ils avoir contact avec la communauté russe installé en Suisse, mais plus précisément à Genève, en sachant que, on l'a déjà un peu dit, cette communauté russe est quelque peu hétérogène, s'y côtoient aussi bien des exilés pour des raisons multiples que notamment ces fameux anarchistes que tout le monde, ou tout au moins beaucoup, doivent fuir comme des pestiférés. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. On y trouve des réfugiés économiques, des réfugiés politiques, évidemment, qui n'ont pas de velléité plus que de survivre. Et puis on trouve évidemment aussi des anarchistes, et puis des mencheviks, des bolcheviks. Toute cette diaspora, si vous voulez, révolutionnaire, qui trouve à Genève un asile assez sûr, qui trouve, eh bien, des imprimeries pour publier des libelles, des lieux où venir s'exprimer, la brasserie Handwerk, le Landolt, évidemment. On sait que Lénine va séjourner plusieurs fois à Genève. Et il y a certains quartiers, il y a certains lieux à Genève qui sont beaucoup plus fréquentés par les Russes que d'autres. C'est le cas, par exemple, de la rue de Carouge, qui connaît une forte... Qui a même son surnom. Exactement, qui connaît une forte présence russe. Et évidemment, les Slatkin évoluent dans ce monde. La langue, rien que la langue déjà permet aux Slatkin de s'y retrouver assez vite. Et puis il y a des solidarités qui se forgent assez rapidement. On arrive dans un endroit complètement étranger. Il n'y a pas de gentil guide qui vous dit comment faire. Ce qui fait que les solidarités culturelles, confessionnelles aussi avec les Juifs que les Slatkin trouvent à Genève, vont leur permettre de s'établir assez bien, assez vite. Alors une rencontre pour le moins particulière, incongrue, à laquelle sans doute vous auriez aimé assister, c'est la rencontre entre Menahem Slatkin et un certain Lénine. C'est assez extraordinaire. C'est même pas banal. C'est assez extraordinaire, cette rencontre. C'est d'autant plus que, je le répète, Mendel Slatkin n'est absolument pas politisé. Mais évidemment, c'est presque du voisinage, quoi. Il croise Lénine certainement dans la rue. Lénine fait du prosélytisme, hein, évidemment, surtout avec ses amis russes, enfin la communauté russe. Et ils vont discuter. On sait qu'ils discutent un bon moment, ça c'est dans les mémoires de la famille. Lénine va même offrir un exemplaire de ses écrits à Mendel, qui va signer. Et c'est resté dans la famille, évidemment, c'est des trésors incroyables. Mais Mendel va pas donner suite politiquement ou rentrer plus avant dans le mouvement bolchevique. Il se tient toujours très éloigné de ces mouvances. Il assiste de loin à la scission entre bolcheviques et mensheviks qui se déroule d'ailleurs au Landolt, hein, à côté de l'université des Bastions. Il est tout à fait étranger à ça. On sait qu'il a eu ce contact avec Vladimir Ulianov, Lénine, mais on n'en sait pas beaucoup plus, ça dérive. Ils peuvent avoir en commun cette passion des livres, car l'un comme l'autre sont, alors pour l'un, lecteur et acheteur, pour l'autre, essentiellement lecteur. Mais ils ont ce territoire en commun. Ils ont ce territoire en commun. C'est vrai que Lénine fréquente assidûment les bibliothèques, que ce soit à Genève ou à Zurich. C'est un grand lecteur, évidemment. Alors, est-ce qu'ils ont parlé de livres? Peut-être, peut-être. Christophe Villemier, historien. Christophe Villemier, on a laissé un Mendel Slatkin en bonne situation financière, et puis la première guerre arrive, et avec elle, un écroulement des finances. Alors, il faut sans doute rappeler le contexte économique de l'époque qui va entraîner Slatkin à la ruine. Ce n'est pas une erreur personnelle, en quelque sorte, c'est un contexte économique global qui amène cette situation. Plusieurs paramètres. D'abord, la ville de Rostov, qui est soumise à différentes pressions militaires. Hein, elle est, une fois de plus, au nœud de différentes velléités politiques, stratégiques, militaires. Et puis après, il y a la distance entre Genève et Rostov. C'est plusieurs milliers de kilomètres. Il faut pouvoir aller en train ou en bateau. Et évidemment, avec la guerre 1914, l'accès à un territoire aussi lointain devient très difficile. À partir de 1915, ça devient plus possible du tout. La bataille de Gallipoli contre l'Empire ottoman a commencé. Le détroit des Dardanelles est complètement fermé. La bataille fait rage pendant de nombreux mois. Et évidemment, Mendel Slatkin est obligé de renoncer à se rendre à ses affaires. Il est obligé d'envisager son destin définitivement à Genève. Plus aucune perspective de retour, c'est terminé. 1915, c'est fini. En 1917, ce sera même digéré, puisqu'avec la révolution russe, il va perdre tous ses investissements et ça va être la ruine totale pour la famille Slatkin. Et ça veut dire qu'une partie de ses fonds sont donc restés sur place, en Russie, et quand la Russie passe 17, les fonds sont quoi? Réquisitionnés? Alors, les fonds étaient investis dans des affaires, dans des cargaisons, un certain nombre d'assurances auprès de particuliers. Et évidemment, tout part à volo. En 1917, tout est réquisitionné, tout disparaît. La ville, d'ailleurs, est soumise à plusieurs bombardements de la part des uns et des autres. Et il n'y a plus aucune trace de ces investissements. Qu'en est-il de sa bibliothèque ? Alors, la bibliothèque, elle est à Genève. Tout est en lieu sûr. La bibliothèque est à Genève. La collection hébraïque de son père est également à Genève. De ce côté-là, tout est sauvé. Ça va lui permettre de sauver les meubles, si on veut bien, parce que, évidemment, avec la ruine de ses affaires, plus de rentrées financières, il va vite se dire, mais vers quoi puis-je me tourner? Et il a ses livres, ses milliers de livres sous les yeux. Il va se dire, tiens, voilà une ressource qui va nous permettre de survivre un temps, et peut-être que la guerre ne durera pas, et peut-être qu'il sera possible de reconstruire quelque part quelque chose d'autre. Mais en attendant, vendons ses livres. Et c'est comme ça, en fait, que va débuter le business du livre pour Slatkin. Mendel va commencer à vendre ses livres, en épargnant au possible la bibliothèque hébraïque de son père, mais il va commencer à vendre ses livres pour subvenir aux besoins de sa famille. À partir de 1917, avec la Révolution, passez-moi l'expression, mais les carottes sont cuites, plus de perspective de retour, et va se dire, maintenant il faut que je me développe ici. Et c'est à ce moment-là où il va louer une arcade à la rue des Chaudronniers, en vieille ville, pour créer sa première librairie, pour créer vraiment, physiquement, une arcade, un lieu où il pourra exposer ses livres, où il y aura une clientèle, etc. Il va pas y rester bien longtemps dans cette arcade. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle était occupée précédemment par un chaudronnier. Et en fait, c'est l'arcade en face qui se libère, beaucoup plus grande, plus spacieuse, plus confortable, qui va louer. Et c'est l'arcade qui est toujours, de nos jours, occupée par les Slatkin. Au départ, qui sont les acheteurs? Parce qu'on peut imaginer qu'à partir du moment où l'arcade et la librairie ouvrent, c'est l'homme de la rue qui vient entre boutique et furette, mais avant, quels sont les acheteurs? Alors là, on a gardé peu de traces, on ne peut qu'imaginer. Avant, on imagine que ce sont certainement la communauté russe et juive locale qui, par solidarité, viennent donner un coup de main à la famille Slatkin en achetant qui un livre, d'autres un manuscrit. Par la suite, évidemment, ce sera un peu plus le Kidam qui va venir chercher un roman ou des livres. Des fois assez exotique, puisque de littérature russe, 19e siècle, des livres qui ne sont pas forcément diffusés en Suisse. Dès lors, c'est ainsi que commence à naître la librairie. Mais on peut parler pour eux d'une période à ce moment-là famélique. Je ne sais pas si Slatkin serait très content actuellement de dire ça. C'est une période de vache maigre, mais comme pour beaucoup de gens en Suisse et à Genève. La Première Guerre mondiale est terrible. L'univers économique de la Suisse s'effondre. Si la Suisse n'est pas en guerre, elle en subit quand même des conséquences tout à fait directement. Alors on va se retrouver effectivement rue des Chaudronniers, mais rue des Chaudronniers, ça va pas être le seul endroit où Slatkin arrive à faire commerce de ses livres. Il va y avoir les universités américaines qui vont arriver là-dedans. Alors il faut que vous nous expliquiez, Christophe Villemier, une fois encore, à quelle période nous nous trouvons. Pourquoi particulièrement les universités américaines? On imagine que ce n'est pas exclusivement à Genève, pas exclusivement en Suisse, mais un peu plus largement en Europe, viennent remplir leur caddie. Voilà, on est un petit peu plus tard. On est dans les années 20, années 20, années 30, et les universités américaines se développent. Elles ont entamé une politique d'expansion de leur propre bibliothèque. Donc on sait qu'il y a des bibliothèques gigantesques aux États-Unis. Et pour ce faire, pour compléter leur collection, des éditeurs américains viennent en Europe pour acheter. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent trouver en Europe. Ils viennent en France, ils viennent en Allemagne, ils viennent en Italie, en Angleterre, et ils viennent en Suisse. Et ils s'adressent évidemment à des libraires. À Genève, on leur conseille assez rapidement de s'adresser aux Slatkin, parce que les Slatkin ont une collection de livres assez époustouflante. Et c'est l'éditeur Krauss notamment, ils sont plusieurs, mais notamment Krauss, qui vient visiter les Slatkin, qui se rend compte de la richesse, évidemment, c'est une aubaine pour la librairie qui va faire une première affaire avec cet éditeur américain. Et à partir de ce moment-là, à partir des années 20, les éditeurs américains, deux éditeurs en l'occurrence, viennent deux fois l'an à Genève, chez les Slatkin, pour faire leur course, si vous voulez bien. Mais Slatkin, faut rappeler donc les épisodes précédents, il était destiné, notamment par le choix de son père, au rabbinat. Finalement, de rabbinat il n'y aura point, donc il se tourne vers l'assurance, métier qu'il va apprendre, on peut l'imaginer sur le tas, parce que ce n'est pas dans une yeshiva qu'on se forme à devenir ni expert comptable, ni voilà. Donc il apprend le métier sur le tas. Le livre, même s'il sait en acheter, de là à savoir également le vendre, il y a encore une marge. Donc c'est encore un autre métier qu'on apprend. Alors comment il fait? C'est un homme qu'on peut mettre dans toutes les situations. Il sait s'adapter, un caméléon. Menel Slatkin a connu en effet plusieurs vies. Hein. Il a eu des tournants assez drastiques à plusieurs reprises. Il a dû se réinventer à chaque fois. C'est un, si vous voulez, un esprit d'entrepreneur qui habite d'ailleurs le reste de sa famille, qui va lui permettre de rebondir de fois en fois. Mais c'est vrai que une affaire ultérieure nous permettra de le démontrer, mais c'est vrai qu'il conserve une espèce d'amour pour les livres, une bibliophilie extraordinaire, et qu'avant d'être marchand, il est amoureux des livres. Donc on imagine que vendre des livres, c'est un choix de nécessité plus qu'un choix affectif. Voire même parfois un crève-cœur. Et des fois même un crève-cœur. Ses fils vont venir l'aider à la librairie, eux vont apprendre le métier de libraire sur le tas, comme on dit. Certainement, ils vont dépasser leur père en la matière. Slatkin est à l'origine d'une idée absolument incroyable. En effet, dans la boutique, il y a maintenant bon nombre de clients, et puis ces universités américaines dont vous nous avez parlé, Christophe Villemier, qui viennent et puis qui achètent, on peut l'imaginer, par grosse quantité. Mais il a une idée en tête, c'est de se dire, c'est un peu dommage de lâcher les originaux, on pourrait peut-être faire de la vente par ricochet, si j'ose dire. Alors, c'est exactement ça. C'est reprint. C'est l'histoire des reprints. C'est un des fils de Mendel qui a cette idée-là. Puisque les Américains sont tellement friands de livres, puisqu'ils ont des besoins qui paraissent sans fond et qu'il faut absolument fournir des livres aux États-Unis, faisons des livres. Donc ils vont commencer à reprinter, à réimprimer des originaux pour vendre les copies. Si les techniques existent déjà? Les copies n'étaient pas, évidemment pas celles que l'on a actuellement, mais il y avait certaines techniques permettant de refaire des livres, et ils vont investir dans ce domaine-là, tout en n'abandonnant pas leurs autres activités. Dans les années 30, par exemple, c'est une histoire assez incroyable, une bibliothèque suisse, je ne donnerai pas le nom, mais une bibliothèque suisse qui voulait faire de la place dans ses fonds, décide de liquider un grand nombre de livres, des doublons, et propose au Slatkin de tout reprendre pour 50 centimes l'ouvrage. La suite nous sera racontée, je m'excuse de vous la retirer de la bouche, mais Michel-Edouard Slatkin nous la racontera dans une émission prochaine. Effectivement, il est peut-être intéressant de dire, patientons un peu pour l'anecdote, qui quand même vaut le détour. Cette anecdote va traduire des façons de voir entre les générations de Slatkin qui ne sont pas exactement la même. Et depuis Menahem jusqu'à Ivan Slatkin, évidemment, le monde du livre s'est radicalement métamorphosé. Comment vous appréciez-vous, Christophe Villemier, historien amoureux des livres, on peut l'imaginer, au travers de cette saga qui court sur un siècle, 1918-2018, Slatkin, 100 ans de livres à Genève, à la fois cette unité par le nom et cette métamorphose du monde du livre en l'occurrence? C'est une dynastie qui a été créée en 1918 avec la création de la librairie, si vous voulez, et le livre pendant tout le XXe siècle est resté je dis une valeur sûre, une référence, une évidence. Ça n'est qu'actuellement que les questions numériques prennent le pas un peu sur le livre, et encore faut-il voir ce qu'il en sera à l'avenir. Mais disons que le livre est un peu ce trait d'union, en fait, entre hier et aujourd'hui. C'est également, qui plus est, concernant cette famille-là, j'allais dire des collections assez singulières qui ont trait à l'érudition. Est-ce que c'était déjà un monde que vous aviez fréquenté, que ces amoureux des livres d'érudition, en tant qu'historien, vous ouvrez les ouvrages de Monsieur Tout-le-Monde, si j'ose dire, ou alors vous allez sinon dans de la documentation, des archives, mais le livre d'érudition, lui, c'est encore une famille à part. C'est une famille à part, il y a quelques collectionneurs qui existent à Genève, qui existent en Suisse. Qu'est-ce que c'est que cette population-là? Une population, on va disparition. C'est des gens qui sont amoureux des livres et puis qui connaissent, c'est ça, surtout la formule magique. Ils savent la valeur de ce qu'ils ont entre les mains. Pas très loin de la librairie Slatkin, et ça n'a rien à voir avec les Slatkin. Existe une collection époustouflante chez un particulier, des livres du 18e, du 17e siècle qui sont extraordinaires. Non, ce n'est pas la première fois que je suis appelé à côtoyer ce monde. On y rencontre tant des amoureux fous que des spéculateurs. Il y a moins de spéculateurs, à mon avis, que d'amoureux fous. Ouais. Ah ouais. Ouais. Si on veut spéculer avec l'argent, il y a d'autres moyens pour faire beaucoup plus d'argent que le livre, à mon avis. Vous nous racontez une histoire d'amour fou que vous pourriez connaître, sans évidemment décliner les identités des intéressés. Oh, je connais une personne qui a fait quelques milliers de kilomètres en voiture pour aller chercher un livre qu'il a payé des milliers de francs sur un coup de téléphone. Et la personne est partie à 10h le soir pour aller chercher ce livre. Voilà, parce que c'était le livre qui lui manquait pour sa collection. À 10h du soir pour des milliers de kilomètres. Oui. Oui, il y a c'est des passions, et comme toutes les passions, elles sont parfois dévorantes. Évidemment, quand on vous l'a raconté, c'était beaucoup trop tard, l'affaire avait déjà eu lieu, mais vous auriez été du voyage, vous ? Non. Non. Je suis bibliophile aussi, j'adore les livres, mais je suis plus raisonnable, peut-être. Christophe Villemier, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel entretien. Cette semaine est réalisée par Christian Morero. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc et Frédéric Pfiffer, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première, il est 14h.